Merci beaucoup, Mathieu Carpentier. Je ne sais pas si ces murs même vous auront entendu, mais j'imagine que certains ici auront à cœur de vous répondre, ou en tout cas de discuter vos propositions, j'allais dire provocantes, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais enfin, disons, comment dire, suggestives. Voilà. Oui. J'aurais aimé savoir ce que vous pourriez me dire entre l'idée là, de faisabilité et le raisonnement par analogie. Ah. Quel est le lien? Comment vous articulez les bien. Parce que je vous avoue que j'ai découvert ce concept en fait en vous entendant. Donc, En premier sens, le raisonnement défaisable s'applique à un cas où le schéma logique envisagé est celui d'un schéma déductif et non pas analogique. C'est-à-dire un schéma où l'on suppose que, étant donné une règle, si l'antécédent de la règle est obtenu, le conséquent trouve à s'appliquer. Il est évident cependant que pour déterminer ce que beaucoup d'auteurs appellent les propriétés normativement pertinentes ou la pertinence normative, je ne sais pas comment traduire ça, bien, il faut établir des relations entre les cas qu'on étudie. C'est pourquoi certains auteurs envisagent, en particulier dans les contextes de common law, la défaisabilité à l'aune de la tâche du juge lorsque le juge opère vis-à-vis d'un précédent l'opération de distinguishing, non pas d'overruling. C'est-à-dire que lorsque le juge dit, bon, un avocat lui dit voilà, vous avez dans machin versus truc dit ceci, cela devrait s'appliquer. Le problème, c'est que lorsque le juge va distinguish, il va tout à fait dire que la règle précédentielle ou la ratio decidendi du cas ou la ratio decidendi du cas précédentiel ne s'applique pas pour des raisons X ou Y au cas présent. Mais ce faisant, il le fait pour des arguments qui sont tirés non pas exclusivement d'une interprétation de la règle précédentielle, mais en raison d'arguments de fait. C'est-à-dire que le juge va dire les faits dans l'espèce sont les faits de l'espèce sont tel, tel, tel ou tel. Ces faits ne correspondent pas, pour une raison ou une autre, à d'autres cas. Mais ce faisant, ça ne veut pas dire que nécessairement le juge opère une exception sous la règle ou ajoute une exception à la règle. Cela veut dire tout simplement qu'il crée une nouvelle règle appliquée à d'autres types de cas. L'idée d'exception ou l'idée de défaisabilité suppose que les cas, c'est pour ça que la défaisabilité ne se confond pas tout à fait avec la tâche de distinguishing qui est le paradigme même de, bon, même si c'est contesté aujourd'hui, mais de raisonnement analogique. L'idée de défaisabilité et d'exception même suppose que l'ensemble des propriétés normatives, normativement pertinentes habituelles, sont réunies. C'est-à-dire les propriétés qui font que le cas était régulé in the first place, au départ, sont réunies, mais qu'il y a des propriétés additionnelles qui devraient être prises en compte. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, on est obligé de comparer les cas. Mais on suppose malgré tout que l'exception à la règle n'implique pas nécessairement la création d'une nouvelle règle pour l'exception. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, il me semble que de ce point de vue-là, le schéma est toujours un schéma déductif et non pas un schéma analogique. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Si. Merci, mais en même temps, je dirais on ne raisonne pas de la même façon en common law et en droit continental, donc tout ce que vous dites ne s'applique pas dans les deux. Pour ma part, je suis très sceptique vis-à-vis de cette thèse. Non, pour ma part, je ne sais pas ce que le juge de droit civil, au sens américain, donc de civil law, dira Ah, mais le sens de la règle est différent, et le juge américain dira ah, mais c'est pas le même cas, voilà. Mais les structures de raisonnement, de justification et d'argumentation sont malgré tout assez comparables. On n'a pas le même référent, ouais. Mais c'est le même raisonnement. Ah, j'ai des doutes que c'est le même raisonnement. On fait des doutes, c'est en droit pénal, on est quand même. J'ai des doutes, parce que là. Si on voit comme une décision, par exemple, du Conseil d'État français ou d'un juge français, j'étais toujours très frappé, par exemple, que la décision de la motivation française était trois lignes, par exemple, et qu'il m'a dit qu'il n'y a pas, tandis que dans un cas américain, par exemple, même dans les plus simples, il y a le fait qu'il y a un rôle fondamental. Et donc, l'interprétation, ce n'est pas diriger sur la règle, mais c'est dirigé sur les faits. Donc quand on parle d'interprétation des droits, il faudrait aussi passer à l'interprétation des faits. Ça, c'est une question que je laisse de côté. Pas constatation. Les faits, on ne constate pas les faits. On interprète aussi les faits. La narrative du fait, c'est fondamental. Et c'est fondamental aussi dans notre système. Dans notre système, on ne voit pas. Je me rappelle, moi j'ai fait l'avocat, mon père était avocat. Et j'ai commencé à faire de la pratique. C'était des droits privés, on faisait aussi du droit pénal. On devait, par exemple, un accident. J'ai commencé à travailler, j'écrivais des choses. Je faisais la structure normative, mais c'est pas ça. Tu dois conter une histoire, et tu dois conter une histoire de façon à convaincre les juges que nous avons raison. Donc c'était les faits qui étaient le centre des. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pas les faits, c'est la sanction du droit pénal. C'est-à-dire qu'en fait, on va construire pour éviter soit la peine la plus basse, soit la plus forte selon ce que l'on cherche. Mais en fait, c'est le résultat qui nous conditionne. Oui, mais c'est toujours le cas. C'est comme ça. Mais c'est toujours le cas, c'est toujours le résultat qui conditionne l'argumentation. Chacun sait que. Même si. Je ne sais plus qui a dit que. Que le raisonnement juridique n'était pas comme. Je sais pas, que c'était comme les barreaux d'une chaise. Je ne me souviens plus de la citation exacte, tant pis. Mais c'est vrai que c'est toujours le cas, je veux dire, même si, malgré tout. Alors, c'est peut-être une fiction, mais on peut toujours penser que, logiquement, la justification est antérieure à la conclusion, même si la conclusion vient d'abord et qu'après ça, on bidouille avec ce qu'on a. Sur les faits, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Latorre. À mon avis, la véritable source de pouvoir discrétionnaire du juge, y compris en droit pénal, tient à la qualification des faits, à l'établissement des faits et à la qualification juridique des faits. Ça, c'est un point qui me semble essentiel, savoir que, et c'est là-dessus que la plupart des idées, comment dirais-je, courantes sur le droit à travers les séries américaines et tout ce qu'on veut, se basent. Ce qui va s'agir, c'est comment est-ce qu'on va présenter au juge les faits. Donc ça, il me semble que de ce point de vue-là, c'est un point qui est. Que je n'envisage pas parce qu'il est presque obiter dictum par rapport à ce que j'essaye de dire. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, le juge est tout à fait libre de faire ce qu'il veut. C'est pour ça que je disais que les questions d'interprétation de la règle se posent un peu toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, ou plutôt, les faits une fois qualifiés. Ou plutôt, les faits une fois caractérisés. Ou décrits. Et à supposer qu'il y ait un consensus sur les faits. Évidemment, les hard cases sont généralement non pas des cas où il y a un doute sur l'interprétation de la règle, mais il y a un doute simplement sur l'existence matérielle ou pas des faits. Ça, c'est tout à fait certain. Sur la distinction entre common law et. Plutôt entre raisonnement de common law et raisonnement. De droit continental, de droit civil, de droit romain. Je suis, personnellement, j'ai du mal, à mon avis, le fait que la plupart des auteurs, des théoriciens américains, enfin anglo-saxons, insistent tellement, même si c'est pour les critiquer, sur le vocabulaire des règles, je sais pas, il me semble qu'on raisonne toujours à partir de règles, même si c'est un pur verbiage rhétorique. Et il me semble précisément que d'autre part, la question de la motivation des décisions de justice, c'est une question différente de leur justification. Et que c'est une question, à vrai dire, la question de savoir quelle est la forme que prend la motivation des décisions de justice, c'est une question à peu près contingente, dépendant des systèmes juridiques et des règles qui valent. ma prof de contentieux administratif, qui est aussi conseillère d'État, nous avait dit qu'il y avait des projets de... Merci. Qu'il y avait des projets, donc c'est un insider... comment dirais-je, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais qu'il y a des réflexions pour savoir si le juge administratif devait ou non citer les précédents, ou devait ou non citer la doctrine. Si le rapporteur public le fait, pourquoi le juge ne le ferait-il pas? Alors évidemment, il y a des réticences, mon Dieu, les arrêts de règlement, l'article 5 et compagnie. Mais il ne me semble pas aberrant un système, vu ce qu'est en particulier le droit administratif, sans parler du droit constitutionnel, mais il ne me semble pas aberrant d'imaginer un jour où le juge administratif rendra des arrêts de 150 pages. Et voilà, ça ne me semble pas. Je ne suis pas sûr que ça soit souhaitable ni que ça soit. Ça comment dirais-je. L'évolution des arrêts du Conseil d'État depuis une vingtaine d'années est considérable. C'est vrai qu'on a quelques grands arrêts qu'on donne à étudier à nos étudiants, il faut vraiment qu'on se fatigue pour leur expliquer ce qu'ils doivent y trouver, parce qu'ils font trop quatre lignes, et ce sont des arrêts qui sont extrêmement importants. À l'heure actuelle, il n'est pas anormal de voir arriver des arrêts qui commencent à faire 10 pages, donc bon, ça évolue. Voire même qu'ils précisent eux-mêmes que ce sont des arrêts quasiment de règlement, type tropique travaux et tout ce qu'on veut. Merci beaucoup pour t'exposer pour la première chose. Je voulais juste revenir sur la fin de ton premier moment, sur la question d'interprétation, sur la distinction entre la règle générale et le second ordre, et sur la notion de contrainte systémique. Je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris en quoi ça consiste et dans quelle mesure ça se distingue d'une contrainte sociale. Alors, une contrainte... Là, encore une fois, on pourrait retrouver l'aspect interne et l'aspect externe. Systémique est un terme très mal choisi, surtout si j'ai en face de moi une spécialiste de Luhmann. C'est vraiment très mal choisi. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des contraintes, qu'on n'a pas à faire des choses qui sont des obligations comprises dans des normes explicites du système juridique. Très peu, à ma connaissance, il n'y a pas de normes dans le système juridique qui dit que les juges doivent appliquer la loi. Peut-être qu'il y en a, mais je sais pas, il me semble qu'en tout cas, il n'y a pas besoin qu'il y ait de telles normes pour que les juges appliquent la loi, simplement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on suppose que les juges appliquent les règles juridiques, et si on suppose que les règles juridiques supposent... Encore une fois, tout cela, on peut le démonter. Il y a un article très récent de Mark Greenberg là-dessus qui dit que le droit n'est pas dans l'ensemble clos des règles juridiques et que l'interprétation du droit n'est pas l'interprétation des intentions communicationnelles des lawmakers, des juristes ou des législateurs. On peut tout à fait soutenir ça, mais si on adopte, ce qui est mon cas, un point de vue un peu plus standard selon lequel il y a une situation de communication, alors on suppose que l'on a une raison pour interpréter ces règles comme le législateur voudrait qu'on les interprète. Et cette raison, à mon avis, c'est ce que Raz a identifié sous le concept d'autorité, à savoir l'idée que le législateur ne fournit pas simplement une raison de premier ordre pour trancher le cas de telle manière et pas de telle autre, mais il fournit une raison de second ordre visant à exclure l'ensemble des raisons possibles qui pourraient s'appliquer ou qui pourraient intervenir dans la délibération. Donc c'est ça que j'appelle, on pourrait appeler ça, je sais pas... Ce que je veux dire par là, le terme systémique est vraiment très très mal employé. Je pense que je vais le supprimer d'ailleurs. C'est des raisons structurelles, mais qui tiennent à la structure du droit comme structure d'autorité. C'est ça que je voulais dire plutôt. Je ne sais pas si c'est plus clair, je ne sais pas si c'est plus ambigu encore, mais... Mais c'est très faible la conception de l'autorité de Raz, parce que... Donc, l'employé, pour la théorie de l'interprétation, c'est pas... Mais il le fait lui-même. Déjà expliquer le difficile, difficilem per difficilius. C'est mieux trouver une chose plus simple. À mon avis, on peut tout à fait se passer. La chose plus simple, c'est la prononciation de l'ordonnance. Pourquoi employer la théorie de l'autorité de Raz, qui implique tellement de choses, qui est très. Quand on pourrait dire, bon, il n'y a pas. Quand on a une règle, il ne fait pas de la règle simplement. On a il y a la cohérence du système. Il faut regarder le système. Et au-delà du système, il y a aussi les principes du système, la théorie politique du système, les valeurs du système. Donc ça, c'est déjà quelque chose à considérer. Et je crois que c'est plus simple, c'est plus facile à comprendre aussi pour les juristes. Parce que je dois employer la théorie de l'autorité pour expliquer l'interprétation à un juriste italien, qui dit, qu'est-ce que ça je cherche... En fait, je ne cherche pas vraiment à expliquer l'interprétation. J'essaie juste de fournir un modèle qui soit très cohérent. Mais à part ça, on pourrait la formuler autrement que par la théorie de l'autorité de race. On pourrait tout à fait la formuler. Mais ce que j'ai à cœur, c'est de définir ces contraintes comme autre chose que de pures contraintes de pression sociale, de pression psychologique. J'ai à cœur de définir ces contraintes comme étant des raisons et comme étant des raisons juridiques. C'est-à-dire précisément comme entrant au sein du ce qu'on appelle de manière, encore une fois, de manière, je ne discute pas le choix de cette terminologie, je l'emploie de manière, ce qu'on appelle le contexte de la justification. Une fois qu'on a dit ça, on peut trouver de multiples autres. Pour moi, RAS, je m'en sers précisément parce que c'est aujourd'hui textbook, c'est en passe de devenir soi-même un objet pop art à lui-même, c'est-à-dire tout le monde parle de la théorie de l'autorité de Raz, donc tout le monde croit l'avoir compris. Je suis pas sûr de l'avoir compris, mais le monde. Non, mais ça fait partie. Non, mais je dis pas parmi les juristes, mais je dis dans la théorie du droit, c'est quelque chose qui est en train de devenir assez courant. Non. Je crois que Raz est lu par très peu de gens parce qu'il est difficile à être compris. Il est très très idiosyncratique dans sa théorie. Donc je ne suis pas sûr qu'il a cette diffusion. Peut-être à Oxford, il est diffusé. Si on va à Oxford, parmi les gens qui étudient la philosophie du droit, je suis d'accord. Tout le monde parle de Raz. Mais si déjà on va à Cambridge, peut-être c'est différent. Je veux dire... Matthew Kramer a fait un bouquin entier pour démonter Raz. Alors si... Je sais bien qu'il y a Cambridge. Si on parle de Dworkin, c'est une autre histoire. Parce que Dworkin, vraiment, il a, par exemple... il y a une réception de Dworkin parmi les juristes pratiques. Parce que c'est une autre histoire. Dworkin est un juriste pratique. Il parle aux juristes pratiques. Raz dit qu'il fait de la philosophie. Il n'est pas intéressé aux juristes pratiques. Par définition. Donc, c'est une autre histoire. Il fait de la philosophie du droit et la philosophie du droit n'a rien à voir avec le droit. Il écrit ça. Il l'a écrit. Expressis verbis. Donc, une théorie comme ça, qu'est-ce qu'il peut dire à un juriste pratique? Si on parle des juristes pratiques, peut-être on peut dire, on fait de la philosophie du droit parmi pour les philosophes. Très bien. En ce cas-là, peut-être, Raz est relevant. Bah, si vous faites de la philosophie du droit pour les philosophes... À ce moment-là, je vais envisager les choses de manière différente. Oublions Raz, prenons Scott Shapiro, la théorie de la confiance, qui n'a rien de l'humanien par ailleurs, hein, mais... Et chez Shapiro, on peut tout à fait lire Shapiro qui entend spécifiquement parler aux juristes, résoudre les problèmes des juristes, parce que pour Shapiro, pour savoir ce qui est de droit, il faut toujours savoir ce qui est le droit. Il le dit clairement au premier chapitre de la Galerie. Donc prenons les chapitres, je crois c'est 8 et 9 de Getty sur l'économie de la confiance. Toute la théorie des plans ou des projets de Shapiro est complètement orientée vers une réutilisation masquée, peut-être plus accessible de la théorie razienne de l'autorité, des raisons exclusives, de la mise de côté des raisons morales et tout ce qu'on veut. Mais on pourrait tout à fait envisager cette idée. Par exemple, Shapiro, chapitre 9 ou 10, je ne sais plus, dit à cette phrase, lorsque le système fait, ou lorsque le droit fait confiance, plus le droit fait confiance à ses interprètes, plus ils ont un pouvoir discrétionnaire étendu, et vice-versa. Donc peut-être que cette histoire de confiance, entendue comme moment essentiel de la possibilité de construction d'un plan au sens de du plan en théorie de l'action, ça serait une manière pour moi de reformuler les choses dans des termes totalement non-rasiens. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très utile aux juristes, mais au moins on peut faire grâce à Shapiro de vouloir être utile aux juristes. Vous voyez ? Donc moi je ne suis pas un razien pur et dur, je critique Raz de très nombreuses reprises, mais il me semble que voilà, je pensais que c'était une manière suffisamment reçue ou standard aujourd'hui. Si ça ne l'est pas, peut-être que des Shapiro, qui est encore moins standard, qui n'est pas connu au-delà de Yale, Pourquoi l'hémicycle non, mais je sais, non. Lui, donc, non, bien sûr. Non, faut pas non plus exagérer les choses. Non. Il est beaucoup plus populaire que Raz. Il est beaucoup plus rock'n'roll. Non, mais bien sûr, non, mais je sais beaucoup mieux se vendre comme Dorkin. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais tout à fait reformuler mon truc en termes Chapirian. Coleman. Coleman, je suis moins sûr, mais il faut que j'y réfléchisse. Mais moi, je voudrais faire quelques remarques de type tout à fait différent, parce que j'étais très intéressé par ce que vous avez fait. J'ai vu que c'est écrit, donc j'espère qu'on pourra le lire, parce que c'est quand même des arguments assez lourds. Mais dans des choses que j'ai notées, alors il se peut que ça soit ma mauvaise compréhension dans la présentation que vous avez dû abréger, ou pas, mais quelques remarques. Deux remarques d'abord sur... qui sont peut-être des remarques un peu ponctuelles sur quelques références à ce qui a pu se faire ici autour de la théorie réaliste de l'interprétation. À mon avis, vous faites un contresens sur ce que dit Pierre Brunet quand il dit n'importe quoi. La question que vous posez est une bonne question, mais il ne faut pas la justifier par Pierre Brunet. Ici, et quand Pierre Brunet dans son texte fait allusion à pourquoi le juge ne fait pas n'importe quoi, il s'agit en réalité d'une entreprise qu'on a commencé à mener il y a 15 ans, autour de cette idée de contrainte. Et notre interrogation était la suivante, et n'importe quoi doit être compris ainsi. Si nous affirmons en tant que rule skeptisme que le juge peut faire n'importe quoi, que toute position prise par le juge est du droit, alors comment se fait-il que factuellement, nous n'observons pas une pluralité de décisions dans tous les sens, et donc que le juge ne fait pas n'importe quoi? Donc, le critère du n'importe quoi ne vise pas n'importe quoi qui ne serait pas juridique, mais le critère du n'importe quoi vise à essayer de comprendre les régularités. Et dans la manière dont vous l'utilisez, quand vous dites, il faut se demander comment nous savons que c'est n'importe quoi, la réponse est tout simplement l'analyse factuelle des divergences ou l'absence de divergences entre les décisions juridiques. De la même manière, quand vous parlez de contraintes, vous indiquez bien que vous ne visez pas des contraintes extra-juridiques. Vous indiquez bien que vous séparez de la théorie des contraintes proposée par Michel Troupert, qui parle de contraintes juridiques au sens de contraintes factuelles liées à la configuration factuelle d'un système juridique. Effectivement, comme le dit Pierre Brunet, mais on était plusieurs ici à réagir de la même manière, c'est assez difficile de savoir quelles sont ici les contraintes juridiques et les contraintes non juridiques. Mais vous parlez de contraintes normatives. Est-ce que vous distinguez ces contraintes normatives de ce que on appelle habituellement des obligations juridiques? Ça ressemble quand même beaucoup à des obligations juridiques. Troisième remarque sur règles et principes. Vous avez envoyé la grande artillerie et notamment la position de Bayonne. Mais il y a deux manières d'utiliser la question règles et principes. Et notamment dans la tradition, qui est la tradition génoise, nantérienne, etc. Quand nous parlons de règles et principes, pour dire que justement les principes sont défectibles de ceux qui les distinguent des règles, c'est une position totalement stipulative et analytique. C'est-à-dire que nous n'affirmons pas qu'il existe dans un système juridique des règles et des principes. Nous affirmons qu'il est possible de concevoir une différence entre deux objets, qui seraient les règles parce qu'elles ne seraient pas défectibles, et les principes parce qu'ils seraient défectibles. On dit faisable, j'emploie défectible par habitude, mais nous parlons exactement de la même chose, et je n'ai pas plus de raison que vous d'imposer mon vocabulaire. Nous sommes d'accord sur ce point. Or, c'est une pure conception analytique, c'est-à-dire il ne s'agit pas du tout d'affirmer que les principes sont par essence défectibles ou défaisables. Il s'agit simplement de dire qu'au sein d'une catégorie générique qui serait les normes, si nous voulons introduire la défaisabilité ou la défectibilité, une des possibilités serait de distinguer entre des règles non défectibles et des principes défectibles. Or, l'argument de Bayonne n'est pas un argument de type analytique. Donc, vous n'évacuez pas forcément le problème règles et principes. Alors, mes deux dernières remarques portent plus précisément sur la question d'interprétation. Tout au cours de votre exposé, j'ai eu beaucoup de mal à saisir de quoi, de quelle interprétation vous parlez, vous. Pas lorsque vous nous relatez l'interprétation chez tel ou tel auteur, mais de quelle interprétation vous parlez-vous. Vous avez parlé d'interprétation de texte, d'interprétation de règles, d'interprétation de normes, d'interprétation du droit. Toutes ces choses sont parfaitement possibles. Mais je ne suis pas certain que tous les arguments sont valables pour toutes ces choses, pour tout ce type d'interprétation. De manière, là encore, totalement stipulative et analytique, conventionnelle, il n'y a rien d'ontologique là-dedans. Dans le vocabulaire de la théorie du droit à laquelle vous avez fait référence, tous les Génois, mais y compris Kelsen, etc., il y a une activité qui est une activité qui lie un énoncé, c'est-à-dire une entité linguistique, à ce qu'on appelle une norme, c'est-à-dire une signification. Et on a coutume de dire que lorsque le texte a été interprété, quelle que soit par ailleurs la manière dont on peut concevoir cette activité d'interprétation, la norme est le résultat final. Donc il n'y a pas d'interprétation de la norme. Il n'y a une interprétation que d'un énoncé. Mais évidemment, il est tout à fait aussi possible d'imaginer des cas d'interprétation de normes par des personnes qui veulent employer des règles, par des autorités juridictionnelles qui veulent comprendre ce qu'a décidé tel ou tel cours suprême, etc. Mais ce n'est plus la même activité, c'est-à-dire ce n'est plus une activité d'interprétation consistant à attribuer à un énoncé une signification ou à découvrir la signification de cet énoncé, mais c'est une autre question. Et j'ai l'impression que dans votre interrogation, ce qui est en jeu, et c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est de comprendre effectivement l'interprétation plus comme concrétisation, c'est-à-dire quelque chose qui comprend à la fois la compréhension du sens d'un énoncé ou d'une norme qui a déjà été le fruit d'une interprétation au sens textuel, et la compréhension du contexte dans lequel cette norme ou cet énoncé vont être mobilisés pour régler une question précise et pratique. Et je ne suis pas du tout sûr, un, que ce soit les mêmes opérations, ça je suis même à peu près certain que ce ne sont pas les mêmes opérations, et deux, je ne suis pas du tout sûr que la littérature que vous employez utilise les arguments pour ou contre tel ou tel type d'interprétation, telle ou telle manière d'aborder la question d'interprétation, pour la question que vous posez. Vous voyez ce que... Je ne suis pas sûr de voir le point final. Kelsen, par exemple, à mon avis, n'a pas de théorie d'interprétation consistante. Le titre 8 me paraît d'une faiblesse remarquable. Je suis prêt à vous suivre sur ce que vous dites par rapport à la distinction entre authentique, etc. Mais Kelsen pose clairement la question de l'interprétation d'une et d'une seule manière. L'interprétation, c'est la question de la détermination du sens d'un texte. Et quand il parle de détermination du sens d'un texte, en théoricien assez conséquent, il dit que la détermination du sens d'un texte, c'est purement et simplement la détermination du sens d'un texte, sans se poser la question de l'application de ce texte, du contexte dans lequel on l'applique, de l'évolution, etc. Oui, bien sûr. Et donc je ne suis pas certain que toutes les discussions autour de Kelsen, pour tout vous dire, à beaucoup de moments, je voyais effectivement des oppositions dans votre usage de la littérature entre ce qu'on appelle l'interprétation connaissance ou scientifique, ce qu'on appelle l'interprétation volonté, les sceptiques, le cadre d'interprétation, etc. Mais tout ça est incapable de répondre à l'interprétation dont vous parlez, vous, et qui me paraît beaucoup plus importante, parce que c'est effectivement celle des sceptiques, c'est celle à laquelle moi je suis attaché. Je me fiche pas totalement, mais disons que dans ma conception de ce qui m'intéresse dans le droit, c'est moins le sens du texte qui a été dicté par le législateur que ce qu'on en fait. Donc moi, je suis prêt à vous suivre sur votre terrain-là. Mais je ne suis pas sûr que les arguments issus de cette littérature nous soient utiles. Je vais répondre d'abord à la dernière question qui est la plus importante. Et puis après, je vais procéder de manière, non pas régressive, mais je vais partir de la première question. Sur Kelsen, Kelsen, je ne m'en sers pas pour appuyer mon propos. J'ai dû commettre une, une maladresse, je ne pense pas développer une théorie kelsenienne d'interprétation. Ça, je vous le confirme. Simplement, il me semble que Kelsen, invoquer Kelsen avait pour moi une fonction clarificatrice sur Kelsen, sur la manière dont Kelsen est aujourd'hui employé par l'école sceptique contemporaine, qu'elle soit de Nanterre ou de Gênes, comme voilà, cette idée du cadre fourni par les normes et la distinction entre interprétation scientifique et interprétation authentique. Je pense que voilà, qu'on a tendance parfois à tirer Kelsen vers des pistes où il n'essaierait pas directement d'entrer. En revanche, la question de ce qu'est l'interprétation, de quelle interprétation je parle. En effet, j'ai dû être un peu après imprécis dans le feu de l'élocution, mais l'idée selon laquelle la norme est le produit de l'interprétation est une idée qui me semble, parce que, en fin de compte, vous dites, oui, mais après ça, on va pouvoir interpréter des normes lorsqu'on est une cour inférieure ou quelque chose comme ça. Mais c'est autre chose. C'est autre chose, mais en fin de compte, on interprète aussi des énoncés, on interprète aussi des textes qui sont des précédents dans un stare decisis vertical. Et donc, en fin de compte, c'est un peu l'objection que certains font à Michel Tropper, qui, à mon avis, peut être réfutée d'autres manières, mais qu'en fin de compte, le véritable interprète de la norme, c'est le policier qui applique la décision du juge et qui, pour appliquer la décision du juge, doit interpréter la décision du juge, etc. Je l'ai écrit, donc vous pouvez me citer, il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes sur ma position, là. Bon. Mais ça confirme justement la critique. Mais dès lors, il me semble que il n'y a pas de contradiction à indiquer que l'interprétation est l'attribution ou l'ascription, comment dire ça, d'un sens normatif, c'est-à-dire tout simplement de la détermination du contenu assertif, c'est-à-dire typiquement quelles sont les propriétés normativement pertinentes décrites par la règle, ou si on veut penser en termes de référence, quelle est simplement la classe de cas régulée par la règle, quels sont les types de configurations du monde régulées par la règle. Mais cela veut dire qu'il y a une règle in the first place. C'est-à-dire que ce que l'on applique, ce que l'on interprète, c'est un contenu normatif, si l'on veut, qui est convoyé, transporté par un énoncé linguistique, qui en lui-même n'a aucune valeur normative, aucun sens normatif. Oui, mais là, je repose la question par rapport à ce que vous dites justement. Moi, je suis prêt à vous suivre là-dessus. C'est un peu ma position. Mais ceux qui ont une position plus cognitiviste ou mixte, donc qui sont beaucoup moins sceptiques, sont ceux qui prétendent qu'à partir d'un texte donné, on peut produire la norme par connaissance, par analyse. Mais précisément. Est-ce que vous suivez cette position ou pas ? Non, parce qu'eux emploient précisément un concept d'interprétation qui n'est pas le même. C'est bien ce que je voulais vous faire. Ils empruntent ce que j'ai appelé au début un concept étroit d'interprétation. Lorsque Hart dit par exemple au chapitre 7, alors voilà, dans les cas clairs, il n'y a pas besoin d'interpréter, on l'applique mécaniquement. Dans les cas difficiles, ça ne sert à rien d'interpréter. De toute façon, les canons d'interprétation sont des règles générales. Et il dit plus loin, quand les juges disent « j'interprète selon l'intention du législateur », en fait, pur pouvoir discrétionnaire. Oui, on peut discuter sur le point de savoir si Kelsen accepterait ou non, parce qu'effectivement il n'est pas explicite ni dans un sens ni dans un autre, il garde au moins la question ouverte, qu'il serait possible au moyen d'une interprétation qu'il qualifierait de scientifique, c'est-à-dire mettant en œuvre un certain nombre de méthodes linguistiques et systémiques, par rapport à d'autres significations valides dans le système, s'il serait possible d'obtenir la solution correcte, ou un cadre de solution correcte, laissant ça de côté, mais la prétention de Kelsen, c'est quand même de dire que l'interprétation est d'une pure activité scientifique sur un texte. Et en ce sens, c'est totalement différent. Vous avez quand même mis Kelsen un peu quand même dans votre critère, dans le large, pas dans la conception étroite. Oui, mais encore une fois, il faut distinguer la question des conceptions de l'interprétation et des conceptions de la détermination de la détermination du droit. Il me semble que ce sont deux questions très différentes. Oui, parce que l'interprétation porte sur un texte et le droit, c'est autre chose. Bah, je suis tout à fait prêt à admettre ça, mais en fin de compte, le résultat global, si j'ose dire, est le même. À savoir que le juge produit des normes, certes, mais des normes en vue de la production desquelles il est contraint. Bon. Et de la manière dont on décrit ça, peut-être au moyen de l'interprétation, ou peut-être au moyen de quelque chose qu'on n'appelle pas interprétation. En fin de compte, comme vous le disiez tout à l'heure, vous le disiez pour autre chose, mais toute définition est en quelque sorte stipulative, c'est-à-dire qu'on définit interprétation en fonction des objectifs théoriques. Mais en même temps, il faut la fournir, la définition. Mais bien sûr. Il faut n'utiliser qu'une seule définition. Mais moi, j'utilise qu'une seule définition. L'interprétation, c'est simplement la détermination du sens normatif d'un énoncé normatif, ou d'un énoncé normatif, c'est-à-dire de quelque chose qui nous parvient à travers une formulation linguistique qui est en elle-même opaque, transparente. On est d'accord, une détermination qui n'est pas que le produit d'une activité scientifique. Non. D'accord. Non. Parce qu'on a toujours des raisons d'interpréter qui peuvent être des raisons différentes de celles qui sont fournies par une simple compréhension de la règle, ça me semble. Bon. Sur ce, j'en viens maintenant dans l'ordre. Sur le professeur Brunet, j'ai cité le professeur Brunet sur la question du n'importe quoi à pur titre d'argument d'autorité parce que c'est un non parce que c'est ils sont irrecevables en philosophie du droit. C'est vrai que c'est généralement les auteurs tournent autour du pot pour formuler ça mais n'osent pas le dire parce qu'ils ont trop de respect, etc. Par exemple, Hart dans sa critique de Lulin et de Holmes tourne autour de ça mais ne le dit pas, au moins Brunet formule la situation. En effet, bien sûr, après ça Pierre Brunet est membre de l'école de Nanterre, la théorie des interprétations et donc la théorie des contraintes, etc. Mais il me semble que tout ce que vous avez dit est tout à fait juste. Simplement, un certain nombre de gens avec lesquels je suis d'accord apportent une solution différente qui ne tient pas simplement dans la question de la régularité pour des raisons qui tiennent précisément à ce que le professeur Latorre disait tout à l'heure sur la question des points de vue. Mais c'est une obligation, j'y viens. Pour que ça soit une obligation, c'est-à-dire pour que ça soit une norme créant une obligation, il faudrait qu'on dispose d'un critère d'individuation des normes nous permettant de distinguer au sein du système juridique une norme disant au juge tu dois interpréter les règles de telle manière, de manière par exemple à suivre l'intention du législateur, normes qui sont absentes du système juridique, qui sont absentes factuellement, mais ça m'étonnerait que l'on puisse trouver, malgré tous les schémas d'individuation des normes que l'on veut, une telle norme. Ce que je veux dire. En droit pénal, la règle de l'interprétation stricte. Oui. C'est exactement ça. Tout à fait. C'est dire qu'il y a des règles procédurales, je suis tout à fait d'accord. Dans le code civil suisse, il y a une règle qui impose une méthode d'interprétation. Le code civil aussi, mais c'est des règles supplétives, le juge du fond fait ce qu'il veut. Après, la question, c'est savoir si ces règles ont un statut particulier. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin de supposer. Pour envisager que dans un système juridique le meurtre soit interdit, on a besoin de supposer un schéma d'individuation des normes qui nous fait supposer qu'il y a une norme, même si elle n'est pas formulée explicitement, selon laquelle le meurtre est interdit. Pour que les juges simplement respectent la loi, on n'a pas besoin de supposer non seulement une norme primaire enjoignant aux juges, etc., mais on n'a même pas besoin de supposer que la norme secondaire de reconnaissance soit une norme créant des obligations. On n'a même pas besoin de le supposer. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce qui compte, c'est des contraintes qui sont dues à ce que Raz appelle l'autorité, ce que Shapiro appelle la confiance, qui est, à mon avis, exactement la même chose, hein, même si c'est conceptualisé de manière différente. Donc, j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est l'idée, malgré tout, que... J'arrive pas à voir si, quand vous dites normatif... Quel est le statut que vous apportez à ces contraintes et en quoi c'est différent de contraintes factuelles inhérentes à l'existence ? Parce que ce sont des raisons pour l'action du juge. C'est des raisons, à tout le moins, que le juge prend pour... Et ça, on peut peut-être d'ailleurs le constater de manière factuelle. De même que l'on constate de manière factuelle en regardant des échecs, dans un jeu d'échecs, que le joueur d'échecs qui bouge sa tour de telle manière a une raison pour le faire. Mais, encore une fois, je pense que... Mais bien sûr, mais encore une fois, je reste de manière, et je suis désolé, ça c'est quelque chose qui est vraiment, il va falloir que je réfléchisse là-dessus, et c'est un point sur lequel je ne suis pas vraiment clair, mais je maintiens malgré tout la distinction entre découverte et justification, parce que c'est pour moi la seule manière de penser quelque chose comme l'autonomie du droit, l'autonomie des raisons juridiques. Mais après ça, on peut... C'est une manière aussi de poser le problème, c'est-à-dire que vous voulez défendre l'autonomie du droit et l'autonomie... des raisons juridiques, etc. Donc vous êtes contraint de... Ouais. scientifiquement, on peut aussi envisager d'autres manières. Étudions ce dont on parle, voyons si c'est cohérent, et ensuite on pourra décider si le droit est tout le monde autonome. Bien sûr, il y a l'autonomie du juge. C'est-à-dire, si on regarde la pratique juridique du plan de vue interne, qui est la façon méthodologique la plus correcte de le regarder, il y a les raisons d'action, ce n'est pas des régularités. Donc il faut prendre au sérieux les gens qui argumentent d'une certaine façon. Donc, autrement, on croit de regarder les gens dans les dos. C'est la stratégie de Luhmann, l'observateur de l'observateur de l'observateur de l'observateur. Okay. Bon, mais Dieu, on joue, c'est Dieu, c'est jouer Dieu, non? Mais moi, même si je suis philosophe, je suis philosophe, j'espère être philosophe, je joue à être philosophe, je ne joue pas à être Dieu. C'est-à-dire, la philosophie, au moins la philosophie pratique, c'est pas jouer à être Dieu. C'est-à-dire, tu es au-dedans, tu n'es pas au-dehors de la pratique. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais si effectivement Mathieu est sur cette position, il me semble que à ce moment-là, son scepticisme à l'égard des règles telles qu'il résulte de la notion d'interprétation n'est pas cohérent. Non, mais je mets en avant une thèse qui n'est pas une thèse, qui est une thèse de scepticisme modéré et qui est finalement, si on oublie la question d'interprétation, assez proche de la vulgate des cas clairs, cas difficiles. Simplement, je pars du principe que la différence entre cas clair et cas difficile, c'est une différence de degré et non pas une différence de nature. Mais simplement, la question, à vrai dire, c'est une question à laquelle, parce qu'il se trouve que j'ai enseigné la théorie réaliste de l'interprétation et que mes étudiants me demandaient, comment ça se fait que le juge n'acquitte pas celui qui est tout à fait coupable et qui interprète une règle sur le meurtre comme autorisant des gens à y entrecéder leur belle-mère? Et je leur disais que ce n'était pas une bonne manière de poser la question, parce que précisément, c'était une manière de poser la question qui supposait déjà les prémices théoriques ou métathéoriques de la théorie réaliste d'interprétation réfutées. Donc, bon, mais la question que je me pose en question, est-ce que ces observations un peu naïves sont néanmoins utiles à cette fin? C'est dans quelle mesure les contraintes juridiques chez Michel Tropper ne jouent pas comme une espèce de deus ex machina qui permet d'expliquer par des situations de régularité purement factuelle et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte à ce moment-là des choses qui sont pour, j'ai l'impression, pas tellement pertinentes pour Michel Tropper, à savoir pourquoi ils sont en question la question de l'avancement des juges, la question de l'encartement politique ou non des juges, la question. Mais à la fin, on arrive à quelque chose, c'est pas tellement la question de l'autonomie du droit, qui est une question qu'on peut discuter, qu'on peut d'ailleurs réfuter, c'est pas le problème. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement juridique dans. Je suis d'accord avec vous. Pierre Brunet et moi-même sommes extrêmement critiques à l'égard de la théorie des contraintes. Je sais bien. Donc, je ne peux que vous suivre là-dessus. Mais le problème, ou la question que je soulève, n'est pas la question de savoir si la théorie de Michel Tropper est défendable ou pas. C'est en quelle mesure, quand vous parlez de contraintes normatives, vous visez quelque chose de différent de ce qu'il parle, de ce dont il parle, donc normatif opposé à factuel. Et si ce n'est donc pas factuel et que c'est normatif, dans quelle mesure c'est différent de l'obligation? On pourrait. Je peux très bien comprendre qu'on considère qu'en adoptant un point de vue interne, qu'il y ait une obligation. Mais dans ce cas-là, c'est quand même ce que racontent depuis toujours les juristes. Donc il n'y a rien de neuf sous le soleil. Non, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses de neuf sous le soleil d'ailleurs. Mais si vous voulez, j'avais trouvé une manière, j'ai oublié. L'idée. Je vais essayer de. J'aimerais en discuter. Bien sûr. Donc, c'est simplement sur la notion de. Voilà. À mon avis, il faut simplement mettre en avant. L'idée selon laquelle l'existence d'un système juridique en tant que tel, plus ou moins différencié d'autres systèmes normatifs, fournie pour ceux qui en font partie de manière éminente, si j'ose dire, fournit des raisons pour, sinon l'action, la décision. C'est ça que j'appelle. C'est tout à fait compatible avec la position de la théorie des contraintes de Michel Tromper. Ça, il faudrait que j'y réfléchisse.